Section 5 de L'Homme de Fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 9-10. Chapitre 9. Conseil royal. Le roi ne buvait pas. Le roi s'était levé de meilleure heure encore que le duc, et pareillement il tenait conseil. Mais le roi n'avait point autour de lui cette foule de seigneurs qui regardait boire le duc. On ne voyait dans sa retraite ni Bourbon, ni Bouillon, ni Montmorency, ni La Marche, ni Saint-Paul. Le roi n'aimait pas beaucoup plus à discuter qu'à boire. Il n'y avait dans sa tente, meublée avec une extrême simplicité, qu'un seul homme. Au moment où nous violons le secret du tête-à-tête, cet homme essuyait ses rasoirs et les enfermait dans une petite boîte de chagrin brun à coulisses. C'était Maître Olivier Ledain qui venait de faire la barbe au roi. Le véritable Olivier Ledain, cette fois. On dit que les coquillages prennent l'aspect de la couleur du rocher où ils végètent. Les chenilles ont presque toujours la nuance de l'arbre qu'elles rongent. Le gibier enfin se confond par sa robe ou son plumage avec le terrain aux dépens duquel il vit. Ceux qui ne voient point là un mystère providentiel affirment que chaque milieu déteint sur son habitant. Olivier Ledain et Louis de Valois vivaient rigoureusement dans le même milieu. Ils se ressemblaient comme deux hiboux abrités dans le même creux du vieux mur. Ceci tant qu'ils restaient dans le creux du vieux mur. Quand Louis XI mettait par hasard le casque couronné en tête ou qu'il revêtait le manteau d'azur semé de fleurs de lys d'or, il ne ressemblait plus à Olivier Ledain. Et quand Olivier Ledain, qui était un galant seigneur, faisait la roue en chausse de satin, en pourpoint de velours, la toque sur l'oreille, la poulaine rattachée au genou, il ne ressemblait point au roi Louis XI. Le roi Louis XI et son barbier étaient aujourd'hui accoutrés à peu près de la même sorte. Surcot de nuances neutres, chausses sombres, ayant déjà de l'âge, Louis XI avait de plus que Maître Ledain son fameux chapeau à image de plomb, si cher à la légende, et la figure de Saint-Michel suspendue à son cou par une chaînette d'orfèvrerie. Il était assis auprès d'une grande table couverte de parchemins épars. Sur cette table, il y avait une gigantesque et splendide pièce d'argenterie qui faisait contraste avec la simplicité des tentures et de l'ameublement. C'était une de ces boîtes à compartiments qu'on appelait salières et qui figurait en général un édifice de style gothique. On y mettait toutes sortes d'épices et de conserves. Le milieu était aménagé pour donner asile à quelques maîtresses portions de venaison ou de boucherie, car c'était un meuble de festin. La salière du roi Louis XI était l'œuvre du fameux Morlaix de Tours, qui tailla de son temps des vases sacrés et des gardes d'épée que Cellini n'eut point désavoué plus tard. Elle contenait, outre les cases à épices et la grande chambre centrale, un bénitier à gauche, une écritoire à droite. Entre l'écritoire et le bénitier, il y avait une galerie pour les livres d'heures et un tiroir pour les titres et parchemins. Le roi écrivait. De temps à autre, il s'arrêtait pour parler. « Voici la dixième fois, dit-il en s'interrompant, que je transcris cet article premier des constitutions de mon nouvel ordre de chevalerie. Je n'y puis tout mettre, Olivier, mon ami. »« Gardez quelque chose pour les autres articles, sire, » répliqua le barbier. « Les autres ont leur plein. Écoute attentivement ce premier article. » Et dis-moi ton avis. » Le roi lut. « On se présente ordre. Il y aura 36 chevaliers, gentilshommes de noms et d'armes, sans reproche, dont nous serons leurs chefs et souverains en notre vie, et après nos successeurs, rois de France, et lesquels, frères et compagnons de l'ordre, à l'entrée d'Islui, seront tenus délaissés et délaisseront tout autre, si aucun en avait, soit de prince ou de compagnie, excepté empereurs, rois ou ducs, qui, avec ce présent ordre, pourront porter l'ordre dont ils sont chefs, moyennant le gré et consentement de nous ou de nos successeurs, souverains et des frères, dit celui. Et en cas semblable, nous et nos successeurs, souverains du dit ordre, pourront porter l'ordre de l'un des susdits empereurs, rois ou ducs avec le nôtre, pour plus grande démontrance de vrai amour l'un à l'autre et pour l'espérance du bien qui en pourra advenir. Ledain avait mis la boîte à rasoir sous son bras. « Si votre majesté n'y voyait point de mal, dit-il, j'aimerais à relire l'article moi-même. » Louis XI lui tendit le parchemin, et Maître Ledain lut bien attentivement. « Pourquoi mettre les ducs au rang des empereurs et des rois » dit-il. Les ducs acceptent ma chaîne d'or, répliqua Louis XI. L'or est plus lourd que le fer. Le duc de Bretagne, qui a refusé votre chaîne, dit encore le daim, vient d'accepter la toison d'Espagne. Es-tu sûr de cela ? Demanda Louis vivement. Aussi sûr que de mon respect pour votre majesté. Le roi se leva et fit un tour de table à pas précipités. Puis il arracha le parchemin au barbier, trempa sa plume dans l'encre et la tint un instant suspendue au-dessus du mot « duc ». Mais il n'effaça pas. « L'article est bon, dit-il en se parlant à lui-même. Le duc de Bretagne n'étant point, que je sache, chef de l'ordre de la Toison d'Or, n'aura pas le droit d'emporter le collier. As-tu d'autres objections ?»« Aucune, sire. » Je lis donc l'article 2, qui est écrit de vieille date. « Item, pour ce que nous désirons que, en ce présent ordre, aient des plus grands, mieux renommés, plus vertueux et notables chevaliers dont nous ayons connaissance, tant de ceux de notre sang et lignage que autres de notre royaume et dehors, nous, bien informés des bons sens, vaillance, prudomise et autres grandes et louables vertus, étant est-ce personne des chevaliers ci-dessous écrits, et par ceux confiant pleinement de leur grande et entière loyauté, et espérant la continuation et persévérance, dit ceux, de bien en mieux en toutes hautes, dignes et vertueuses œuvres, y ceux avons nommé et nommons en nos frères et compagnons du dit ordre, duquel nous et nos successeurs rois de France serons souverains comme dessus est dit, c'est à savoir, premièrement, notre très cher et très aimé frère Charles, duc de Guyenne. Maître Le Dain sourit et dit « À tout seigneur, tout honneur ». Le roi sourit aussi, mais sans relever l'interruption, il poursuivit « Deuxièmement, notre très cher et aimé frère et cousin Jean, duc de Bourbon et d'Auvergne. Troisièmement, notre très cher et aimé frère et cousin Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, connétable de France. Quatrièmement, André de Laval, seigneur de l'Aubéac, maréchal de France. Cinquièmement, Jean, comte de Sancerre, seigneur du Bueil. Sixièmement, Louis de Beaumont, seigneur de la Forest et du Pessy-Massé. Septièmement, Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy. Huitièmement, Louis de Laval, seigneur de Châtillon. Neuvièmement, Louis de Bourbon, comte de Roussillon, amiral de France. Dixièmement, Antoine de Chambanne, comte de Dammartin, grand maître d'hôtel de France. Onzièmement, Jean d'Armagnac, comte de Comminges, maréchal de France, gouverneur du Dauphiné. Douzièmement, Georges de la Trémoille, seigneur de la Trémoille et du Craon. Treizièmement, Gilbert de Chabanne, seigneur de Curton, sénéchal de Guyenne. Quatorzièmement, Louis, seigneur de Crussol, sénéchal de Poitou. Le roi s'interrompit. « Ici, dit-il, était la place de mon très cher et aimé frère et cousin François II, duc de Bretagne. »« Méchante place, » fit observer le daim. « Après Crussol, l'obscur sénéchal et trois ou quatre petits seigneurs. » Remarquez que le roi Louis XI était un peu dans la position de ces bourgeois enrichis qui se disent un matin « Je vais donner un grand bal » et qui travaillent et qui s'efforcent durant un hiver tout entier, courant après ce qu'il faut d'invités pour remplir leur salon trop large. Dans le préambule de son règlement, Louis XI parlait bien haut d'empereurs et de rois. Il leur faisait en vérité des conditions fort rudes à ses rois et à ses empereurs. En fait de roi, il n'y avait encore personne. Le bruit courait qu'ils avaient tous refusé. Quant aux empereurs, néant. Restaient donc les ducs. Louis XI en avait deux, Charles de Guyenne, qui était à sa merci, et Jean de Bourbon, qui était à tout le monde. Valois et Bourbon. De bonnes maisons, assurément, mais au point de vue politique, Charles et Jean ne comptaient guère. Bretagne et Bourgogne, voilà des ducs. Louis XI n'avait ni l'un ni l'autre. Pour sa peine, dit le roi, répondant à l'observation de Le Dain, il ne sera que le 16e. Le 15e est nommé, demanda Le Dain. Oui bien, répliqua le roi, qui sourit dans ses rites précoces. Voici les noms et titres du 15e. Tanguy du Chastel, gouverneur des pays de Roussillon et de Sardaigne. Acceptera-t-il ? Murmura le barbier. On ne peut dire si le poisson sera pris avant d'avoir paré l'hameçon, mon compère. S'il accepte, notre bon cousin François sera plus penaud que le renard au regret de sa queue. S'il refuse, j'ai un autre chevalier tout prêt, et notre bon cousin François sera toujours le 16e sur ma liste. Et puis-je savoir le nom du nouveau chevalier ? Demanda maître Olivier Le Dain. Avant que le roi fît réponse, un page souleva la portière de la tente et annonça « Otto, comte Beringhem, seigneur de Chauzet et autres lieux. » Maître Ledin bondit sur son tabouret et devint plus blême qu'un agonisant. On entendit les pieds de son siège battre un roulement sur le sol. La voix du page qui avait prononcé le nom de l'homme de fer grelottait dans sa gorge. Il se fit dans la tente un silence solennel et profond, durant lequel on put ouïr l'énorme salière sculptée rendre une plainte argentine, comme si l'approche du maudit eût effrayé les objets inertes eux-mêmes. Personne n'entrait chez le roi pendant sa barbe, comme on appelait l'heure de sa conférence intime avec maître Olivier Ledin. Pour qu'un officier vînt annoncer ainsi un étranger, il fallait que le roi lui-même eût donné des ordres. « Sire, sire, balbutia le barbier dont les dents claquaient, préviendrai-je la garde écossaise ?»« Elle est prévenue, mon compère, répliqua le roi tout bas. Je demande à votre majesté la permission de me retirer. » « Tu n'es pas curieux, Ledin, mon ami ?» fit le roi, qui était calme. « On ne voit point un ogre tous les jours. Reste. » Un pas d'homme retentit sous le vestibule de la tente. Le page souleva la portière. Un chevalier parut. Il était de grande et riche taille. Maître Ledin le vit plus haut qu'un géant. Ce chevalier, du reste, reproduisait exactement l'idée que le vulgaire avait dû prendre de l'homme de fer. Son armure de toutes pièces était d'acier bruni, dont les clous seuls, biseautés et polis, brillaient. Il portait en tête le casque, surmonté d'une longue plume noire renversée. La visière était close. Il avait, pour toute arme offensive, une courte dague dans sa gaine. Il marcha d'un pas bruyant jusqu'au milieu de la tente, s'inclina courtoisement et resta debout devant le roi. Maître Olivier eut donné sa meilleure paire de rasoirs pour être à 10 lieues de là. Le roi ne quitta point son siège. « Comte, dit-il, je vous remercie d'être venu à mon appel. » Une voix mâle et sonore passa entre les grilles du casque. « Sire, répliqua-t-elle, par mon fief des îles, je suis vassal et sujet de votre majesté. » « Ce qui parle de vous, reprit Louis XI, dont le regard perçant s'émoussait contre ce masque d'acier, et beaucoup de gens parlent de vous, seigneur comte, en bien ou en mal. »« En mal seulement, sire, interrompit l'homme de fer, je sais cela. » « Ceux qui parlent de vous prétendent que vous êtes vassal et sujet d'un roi qui n'est point de ce monde. »« Beaucoup de gens, répliqua l'homme de fer, calomnient aussi votre majesté. » Le roi pensa, ce sorcier allemand aurait pu naître en Normandie. « Avez-vous connaissance de ce que j'attends de vous ? » interrogea-t-il tout haut. « Oui, sire. Qui vous l'a dit ? » ?»« Le bruit public. » « Malpeste ! » s'écria Louis XI, qui jeta sur son confident un oblique regard. « Nos secrets d'État courent-ils ainsi les chemins ?»« On en parlait ce matin même, et gaiement, je vous jure, répartit le comte Otto sous la tente de François de Bretagne. » Le roi croisa ses jambes l'une sur l'autre. « Je ne l'avais dit qu'à toi, mon compère, » murmura-t-il en se tournant vers maître Olivier Ledin. « Sur mon salut éternel, » protesta celui-ci, « je ne l'ai répété à personne. »« Les murs ont des oreilles, » prononça gravement le comte Otto. « Ainsi parle la sagesse commune. » « Moi, je traduis cela ainsi, l'air a des esprits. » Il toucha de main, armé d'un gantelet, un des donjons d'argent qui composaient la salière. Un soupir s'exhala. Ni le roi, ni le Dain n'eussent su dire d'où venait le bruit. Le Dain joignit les mains en tremblant. Louis XI se signa ostensiblement. « Comte, dit-il, si les esprits de l'air sont à vos ordres, obtenez d'eux qu'ils nous laissent en repos. Les magiciens du pharaon d'Égypte purent changer leurs baguettes en serpents. Ne faites rien pour me prouver votre pouvoir occulte. J'y crois. Répondez-moi seulement, voulez-vous accomplir mon souhait ?»« Si votre majesté daigne accomplir le mien, » répliqua l'homme de fer. « Parlez. Je parlerai quand je serai seul avec le roi. » Louis XI n'hésita pas, il plongea sa main sous le revers de son surcot et prit son Saint-Michel d'or qu'il posa sur la table entre lui et le comte Otto. Gardé ainsi par l'archange, il fit signe au barbier de s'éloigner. Maître Ledin obéit avec une merveilleuse prestesse. La peur lui donnait des ailes. Nous ne saurions dire si le roi avait peur. Les choses surnaturelles agissaient sur lui très vivement, mais il se possédait en perfection. Dans tous les cas, si le diable l'effrayait, il n'en eut que plus de mérite, car il garda son rang vis-à-vis du diable. Il ne lui offrit point de siège. « Comte, dit-il, maintenant que nous voilà, montrez-moi, s'il vous plaît, votre visage. » Le comte répondit, « Si votre majesté était la reine, je le pourrais, je le voudrais, mais j'ai fait un vœu. » Le fameux vœu de ne se découvrir jamais que pour obéir à l'ordre d'une dame. Toute cette entrevue du roi et de l'ogre est tellement populaire dans le pays de Dole, et même sur la rive normande, que la tradition naïve déteint malgré nous sur notre récit. Est-ce un grand mal? Les paysans du Marais ne savent trop si le roi était Saint-Louis ou Louis XI. Ils savent que c'était le roi. Quant à l'ogre, il n'y eut jamais qu'un ogre. La date n'y fait rien, c'était il y a longtemps. Les paysans qui racontent cette légende du roi et de l'ogre rient bien à l'endroit où l'ogre dit au roi « si vous étiez la reine ». L'homme de fer répliqua donc « j'ai fait un vœu ». Et il ajouta « je ne montre mon visage qu'à celle que je sers ou à ceux que je tue ». Le roi fit la grimace « et quel est votre souhait, comte » demanda-t-il. « J'ai fantaisie, sire, répliqua l'homme de fer, d'être chevalier de votre nouvel ordre de Saint-Michel. » Chapitre 10. La salière du roi. Nous savons que le roi Louis XI avait justement eu la même idée que l'homme de fer. Il avait songé à remplacer sur sa liste le nom de François II, duc de Bretagne, par le nom du comte Otto Beringhem, à condition bien entendu que le comte Otto Beringhem lui ferait raison de l'entêtement de François II de Bretagne. Néanmoins, le roi Louis XI prit la mine d'un souverain qui tombe de son haut. « Saint Archange ! S'écria-t-il. « Comte, y songez-vous ? Ma nouvelle compagnie est frérie et chrétienne de tout point, soumise à l'autorité de l'Église catholique, apostolique et romaine. »« Je ne veux point de mal à notre Saint-Père le Pape, » répondit l'ogre paisiblement. « Y songez-vous, y songez-vous ! Nos chapitres se tiennent en la basilique du Mont. »« Grand et beau temple, sire. Nous jurons notre serment sur l'Évangile et sur la croix. Je n'y vois nul empêchement. » Le roi s'agitait, feignant un embarras majeur. Le comte reprit, « C'est mon caprice. Demandez-moi tout ce que vous voudrez hormis cela, » s'écria Louis XI. « Je ne veux rien autre. De l'or, des titres. Je fais de l'or, avec de l'or on achète des titres. Je veux être chevalier de Saint-Michel. Saint-Archange, donnez-moi conseil, » supplia le roi. L'image de Saint-Michel ne dit mot, mais, aussi vrai que le Couesnon est fou en grande marée, les bonnes gens de Dole et de Pont-Orson affirment que la salière laissa échapper un murmure. Elle avait déjà soupiré. Qu'avait-elle donc dans le corps, cette salière ? Sire, reprit le comte Otto, je ne demande pas mieux que de vous amener pieds et poings liés ce duc François de Bretagne, qui a laissé outrage hier sur son domaine, mon caractère et ma personne. Il me plaît de le punir. Mais tout service vaut son prix, et je vous fais respectueusement savoir en quelle monnaie je prétends être payé. « Que diraient mes frères et compagnons, les chevaliers de l'ordre ? » murmura le roi. « Ils diront ce qu'ils voudront, sire. Chargez-moi seulement de leur répondre. Cependant, comte, si je jugeais votre prétention inadmissible, j'en serais fâché pour moi et pour vous, sire. « Pour moi ? » dit le roi en se redressant. Pour vous surtout, car votre envie de réduire François de Bretagne est ardente et légitime. Ne pourrais-je le réduire sans vous ? Hier, vous l'auriez pu, sire. Et demain ? Demain, votre majesté ne le pourrait pas. Voyez-vous cet ogre, traitant de puissance à puissance avec le roi, qui trancha la tête de Jean d'Armagnac, duc de Nemours ? Les gens du Marais de Dole savent assurément de bonnes histoires. Pourquoi ne pourrais-je demain ce que je pouvais hier ? Demanda encore Louis XI. « Parce que, répliqua le comte Otto, hier j'eusse été neutre. « Vous avez grande opinion de vous, messire, » grommela le roi. « Demain, poursuivit l'homme de fer, j'aurai le refus de votre majesté sur le cœur. Je me connais, ma lance se couchera d'elle-même pour défendre François contre vous. » Les sourcils de Louis XI se froncèrent. « Entre hier et demain, il y aura aujourd'hui, » prononça-t-il avec sécheresse. Aujourd'hui, vous êtes dans la tente du roi de France, et la garde écossaise du roi se range en armes autour de la tente. Der Teufel ! S'écria l'Allemand en riant derrière la grille de son casque. Je vois que Louis de Valois n'a pas volé sa renommée. Je suis chez le roi de France sous la garde de son honneur, et le roi de France me fait cerner à bas bruit par ses archers écossais. On aime avoir cela pour y croire. Sire, reprit-il sérieusement, et même avec une certaine emphase, « Si vous avez vos satellites, j'ai les miens. »« Où sont-ils les vôtres ? » fit le roi. « Plus près de nous que ceux de votre majesté. »« Il me plairait d'être fixé au sujet de votre puissance mystérieuse, comte Otto Beringhem, » dit Louis XI. L'homme de fer tira sa dague. Avec la pointe, il traça un cercle dans le vide. « Aïram ! » prononça-t-il en touchant de son gantelet le faîte guilloché de la salière. Une voix s'éleva dans la chambre. On eût dit qu'elle parlait au centre même de la table. Elle dit « Maître, je suis là ». Louis XI sourit du bout des lèvres, mais il prit le temps de réciter une courte prière. « J'ai vu en mon château du Plessis du Parc les Tours, dit-il ensuite, un jongleur plus habile que vous. Ce jongleur nommait son art ventriloqui. Il se couvrait le chef d'un casque, comme vous faites présentement, et derrière la grille, il feignait de converser avec trois ou quatre lutins qui tous lui répondaient à tour de rôle. « Le roi m'a-t-il fait appeler pour m'outrager avant de m'assassiner ?» demanda l'homme de fer, qui se redressa fièrement sous son armure. Et comme Louis XI ne répondit pas assez vite à son gré, il ajouta « Seul je suis dans la tente du roi, et m'étant mis, comme je l'ai fait en apparence à sa merci, je défie le roi. » Louis XI le considérait curieusement. « Vous êtes à tout le moins un homme intrépide et vaillant, comte Otto, » dit-il. « On m'accuse par le monde d'être superstitieux et craintif, touchant les choses magiques qui dépassent l'intelligence humaine. À l'occasion, vous pourrez témoigner du contraire. Si je vous donne le cordon de Saint-Michel, quand me livrerez-vous François, duc de Bretagne ? Aujourd'hui, à l'issue des joutes. Donc vous serez chevalier de mon ordre, comte Otto Beringhem. Mon œuvre est juste, chrétienne et agréable à Dieu. » « La fin excuse les moyens. »« Aurais-je un gage ?» demanda l'homme de fer. Louis XI ne se fâcha pas. Il prit le parchemin où les noms des 14 premiers membres étaient inscrits. « J'allais écrire ici, dit-il à la place 15e, le nom de M. Tanguy du Chastel. Je vous donne sur lui la préséance. »« Quitte à voir plus tard, » ajouta-t-il mentalement. Et il écrivit en toutes lettres, au rôle d'institution, le nom du comte Otto Beringhem, seigneur de Chauzet. « Le roi n'a plus rien à m'ordonner, » demanda l'homme de fer. « Si fait, j'ai donné un gage, je veux un gage. » Le comte Otto tira son gantelet. Au doigt annulaire, il portait une bague, dont les feux éblouirent Louis XI, qui était connaisseur. C'était un diamant d'un prix inestimable. « Voici qui vaut la rançon d'un roi, » dit le comte. « C'est mon gage. Je le laisse à votre majesté. » Il s'inclina et se dirigea vers la sortie de la tente. Louis XI regardait le diamant. Au moment de sortir, l'homme de fer se ravisa. « Maintenant que nous sommes d'accord, dit-il, plairait-il au roi de voir face à face un de mes satellites mystérieux ?»« Cela me plairait, » fit Louis XI, non sans une certaine hésitation. La garde écossaise était si proche qu'on entendait causer entre les soldats. Que craindre ? Le comte Otto revint sur ses pas. « Nasbot, où es-tu » prononça-t-il, d'une voix contenue. Nasbot ne répondit point. Le comte prêta l'oreille à droite et à gauche, comme s'il eût cherché à saisir un son dans l'air. Puis il s'approcha de la salière et se prit à écouter aux fenêtres, par où s'échappait à l'heure du festin la fumée du maître plat qui occupait toujours le centre de cette monumentale orfèvrerie. En se penchant, il fit le tour de la salière. Quand le palais d'argent le cacha tout à fait aux yeux de Louis XI, il dit tout bas à l'une des ouvertures « Réponds, je t'étrangle comme un poulet, petit coquin !»« Je suis ici, maître !» répliqua aussitôt une voix épouvantée. Nasbot devenait obéissant. Le roi était attentif. Un sourire sceptique restait autour de ses lèvres, mais il caressait de la main à tout hasard son image de Saint-Michel. « Puisque tu es ici, reprit le comte, sors de ta retraite et montre-toi aux yeux du roi !» Le couvercle de la salière s'agita bruyamment. Louis XI recula son siège. « Ayram, Ayram !» cria le comte en frappant du pied le sol. « J'ai ordonné, montre-toi » Nasbot faisait ce qu'il pouvait. Ce n'était pas un de ces esprits robustes qui entrent dans les maisons en démolissant un pan de muraille, car il avait beau se démener, il ne pouvait soulever le couvercle en argent massif de la salière. Le roi ouvrait de grands yeux, ne sachant quel genre d'animal menait dans l'intérieur de son argenterie cet étrange tapage. Sa frayeur, s'il avait eu frayeur, tournait à l'envie de railler. Le comte Otto, à bout de patience, leva lui-même d'un geste violent le couvercle de la salière. Tout aussitôt, Nasbot s'élança et sauta sur la table. Pour le coup, le roi devint pâle et mit sa main au-devant de ses yeux. Nasbot était un esprit de forme irrégulière et peu gracieuse, une tête énorme, armé de cheveux hérissés sur un corps dont l'exiguïté pouvait paraître assurément un fait surnaturel. Le roi posa précipitamment son Saint-Michel d'or entre lui et Nasbot. Nasbot faisait peur au roi. Le comte Otto, cependant, n'était pas content de Nasbot. Il le prit par les cheveux et le jeta sous son bras comme un paquet. « J'emporte ce qui est à moi, » dit-il, en sortant ainsi de la tente. Son noir écuyer l'attendait au dehors avec des chevaux. Il se mit en selle. L'écuyer lui drapa sur les épaules un long manteau sous lequel disparurent le petit corps et la grosse tête du pauvre Nasbotte. Le comte Otto, Nasbotte et l'écuyer descendirent au galop dans la plaine. Louis XI, resté seul, replaça d'abord avec soin le couvercle de sa salière. « C'est un nain, » se dit-il, « un nain de chair et d'os. Mais comment a-t-il pu s'introduire en cette cachette ?» Les gens qui regardent dans les tiroirs de commode avant de dire tout haut leur secret n'exagèrent point la prudence. Les oreilles se fourrent partout. Le roi revint au diamant, qui ne s'était point changé en caillou après le départ de l'homme de fer, puis il s'agenouilla devant l'image de Saint-Michel. « Glorieux archange, dit-il en achevant sa prière, j'ai compté sur votre aide pour trouver un moyen de ne point tenir ma promesse, car ce serait sacrilège que d'introduire un pareil homme dans la frérie qui portera votre vénéré nom. » Dans la plaine, le comte Otto, Nasbotte et l'écuyer couraient ventre à terre. La tête volumineuse du nain soulevait le manteau de l'homme de fer. « Esprit, dit celui-ci qui riait sous sa visière baissée, je t'avais vu rôder ce matin autour de la tente du roi, et quand je suis entré, je t'ai entendu souiller dans ta prison. Rends grâce à ma fantaisie, car tu étais pris sous le couvercle comme en un traquenard. Tant qu'il vous plaira, monseigneur, je vous rendrai grâce, répliqua l'esprit Nasbotte. Je te reconnais, reprit Otto Beringhem. Tu es le nain Fierabras, le fou du sire de Combourg. Moi, je vous reconnais aussi, monseigneur. Vous êtes Olivier, baron d'Armois, raconteur de belles histoires. Retourne à Chauzet, Célin, dit le comte à son écuyer. Dix lances de renfort et la grande barque sous ton blaine. L'écuyer piqua des deux dans la direction de la grève. Le comte poursuivait sa route vers la rive du Couesnon où était sa tente. « Pour qui besognes-tu » demanda-t-il au nain. « Pour ton seigneur, le sire de Couesnon, pour le duc de Bretagne ?»« Non point, messire. J'étais là pour rendre service au bon écuyer Jeannin, que j'appelle mon oncle. Vous savez, le père de Jeannine, la brunette. »« Tu es un espion adroit et hardi. » « S'il vous plaît, messire, je suis un pauvre gentilhomme, cadet de famille et sans apanage. Je fais ce que je peux pour vivre honorablement. » Le comte souleva le devant de son manteau pour voir un peu ce gentilhomme qu'il avait sous le bras. « Veux-tu que je fasse ta fortune ? » demanda-t-il brusquement. « Volontiers, messire, » répondit le nain. « Cela me comblera de joie. Je t'achète. Fixe le prix. » Le nain prit un air grave. « Messire, » dit-il, « ces choses ne s'expriment point en termes si francs. On ménage la fierté des gentilshommes. Je serai de votre parti moyennant que vous m'offrirez d'honnêtes étrennes. Mais plutôt que de me vendre, je gratterai la terre avec mes ongles. »« Fixe donc tes étrennes !» répéta le comte Otto en riant. Fierabras établissait un calcul à l'aide de ses doigts maigres et longs. « 2 et 2 font 4, dit-il, et 2, 6, l'an à 365 jours. » qui multiplié par 6 donne 2190. Je vivrai bien encore 40 années, étant de bonne et saine constitution, mettons 50 pour ne point être pris au dépourvu dans la vieillesse. 2190 répété 50 fois donne, si je ne fais erreur, 109 500. Ce sont des sous tournois qui produisent en livres 5 475 et en écus d'or nantais 457,5. Tu es un géant pour le calcul, ami Fierabras. S'écria le comte émerveillé. Avant de servir monseigneur actuel, le sire de Couesnon, répliqua la Rignoire, j'allais dans les assemblées et foires, et je gagnais ma vie à supputer sans parchemin ni plume par la seule puissance du souvenir. Je pense qu'un gentilhomme ne déroge pas pour cela. Certes, et que veux-tu faire de tes 457 écus nantais et demi? 458, messire, car il faudra un demi-écu pour l'acte. Quel acte? Acte authentique, sous votre bon plaisir, passé entre moi et Dame Léquien, du bourg d'Ardevon, agissant pour elle et ses héritiers ou successeurs, laquelle s'obligerait à me servir ma vie durant une tourte le matin, une tourte à midi, une tourte le soir. J'entends tourte double de pâté tendre, fourrée d'amandes et de raisins confits, chaude et sortant du four, ne pouvant, la dite Dame Léquien, sous aucun prétexte quelconque, me distribuer tourte de la veille ou de la précédente fournée. Pour lesquels fonds perdus et servitude, consentis de gré à gré, je n'en tirai la dite dame Léquien desdits 457 écus et demi en espèces courantes, dont quittance est reçue. En foi de quoi ? Le comte éclata de rire derrière la grille de son armée. « Tu auras 500 écus tout neufs, dit-il, si tu veux m'apprendre par-dessus le marché comment tu existes encore après avoir été grillé par mes archers dans la baraque du baladin Rémy. » Le nain s'empressa de le satisfaire. Sa fortune subite et l'assurance qu'il avait de manger avant de mourir 18 250 tourtes d'Ardévon ne l'avaient pas trop enflé. Quand il eut raconté son histoire, il demanda au comte avec calme ce qu'il fallait faire pour gagner définitivement les 500 écus. « M'obéir, répondit Otto Beringhem. Si tu m'obéis aujourd'hui, demain à pareille heure, tu pourras te présenter chez ta dame Lequien pour manger ta première tourte. Tu as tout entendu là-bas chez le roi. Tu sais de quelle besogne je suis chargé. Voici mon cas. Je ne connais pas ce duc François de Bretagne que j'ai promis d'enlever. Si tu sais peindre aussi bien que compter ou rédiger les actes authentiques, fais-moi son portrait. » Fierabras se recueillit. « Je ne l'ai vu qu'une fois, dit-il enfin, mais je l'ai bien regardé. Le jour où je le vis, il m'écarta de son passage à l'aide de sa houssine en criant « Au large, moitié de singe !» Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Je ne lui en garde point de rancune. Il est grand, lourd en selle, un peu voûté, avec des jambes grêles. Son cheval est blanc, portant des taches noires, espacées presque aussi régulièrement que les queues d'hermine de son écusson ducal. Il a les cheveux blonds tirant sur le roux, le nez droit et gros, les pommettes comme des noix, les yeux somnolents, l'air ennuyé. Mais vous ne verrez rien de tout cela, messire, si ce n'est aux joutes, sauf la taille, les jambes et le cheval. Encore fait-on de belles jambes à toutes les armures. Il portera le cimier ducal, dit le comte. Savoir, repartit vivement le nain, qui se mordit la lèvre jusqu'au sang et ajouta, sans doute, sans doute. Le comte Otto avait jeté sur lui un regard soupçonneux. « Écoute-moi bien, reprit-il, je m'intéresse à cet écuyer Jeannin que tu appelles ton oncle. En cas de malheur, lui seul serait épargné dans la suite de François de Bretagne. « Et moi, messire, et moi ?» se récria le nain avec chaleur. « Songez que je suis obligé d'accompagner monsieur de Couëtouen. Je mettrai mon blason sur ma poitrine, d'or à l'oison de gueule, afin que vous ne me preniez point pour un autre gentilhomme. » La course du comte s'était ralentie pendant qu'il parlait. Le soleil montait cependant à l'horizon, et la plaine éveillée reprenait son air de fête. Je crois qu'on tirait un peu la grenouille là-haut sur le pont, mais c'était des comparses. Gabillou et Marcou étaient hors de combat. Le comte mesura la hauteur du soleil. « L'heure me presse, » murmura-t-il en plantant ses éperons dans le ventre de son cheval. « Qui bondit ?» On apercevait derrière un rideau de peupliers la tente des insulaires de Chauzet. « Nous allons nous séparer ici, » reprit le comte Otto. « Remplis ta mission auprès de Jeannin comme tu l'entendras. Après tout, ce duc est un chevalier. L'annonce d'un danger ne peut l'éloigner de la passe d'armes. N'oublie pas que l'écuyer sera épargné. » Il prit Fierabras par le collet de son pourpoint et le lança dans une meule de foin qui bordait la route, sans arrêter le galop de son cheval. Le nain se releva tout étourdi. « Je ne veux pas de tes tourtes, mes crayons, » s'écria-t-il en regardant l'homme de fer s'éloigner. Quand mon oncle Jeannin sera chevalier, il m'en donnera 6 par jour au lieu de 3, car c'est une bonne âme, tête bleue. Ma belle petite Jeannine ne mourra point. J'ai de quoi dorer les éperons de son père. » Il se mit à courir dans l'herbe coupée, sautillant et chantant comme un moine offrant en belle humeur. Fin de la section 5.